de costume se bat en duel. Un vieux képi parle tout seul. Un collier se moque d'un foulard. Un clochard avale son vin. Mais Francky, l'oiseau, joue de la flûte sur le trottoir. Mais Francky, l'oiseau, joue de la flûte sur le trottoir. Une lunette regarde les filles. Un bleu est en train de m'insulter. Un chapeau mange son téléphone. Un gros cigare fait des calculs. Mais Francky, l'oiseau, joue de la flûte sur le trottoir. Mais Francky, l'oiseau, joue de la flûte sur le trottoir.